Ainsi donc vous voici, Doña Inés, devant moi. Votre renommée m'avait prévenu en votre faveur. Votre air, votre contenance, jusqu'à votre vêtement, tout me confirme que vous êtes de bon lieu. Et ainsi je ne doute pas que vous ne trouviez en vous-même de quoi vous égaler aux circonstances où vous nous avez mis. Je suis la servante de votre majesté. Il me plaît que vous soyez un peu portugaise par votre mère alors que votre père était gentilhomme d'une des plus anciennes familles de Galice. Vous avez été élevée à Saint-Jacques-de-Compostelle, n'est-ce pas? À la cour du duc de Penafiel. Vous êtes venue ici il y a 2 ans pour y accompagner votre vieil oncle, le comte de Castro, que j'appelais auprès de moi. Par malheur, il est retourné à Dieu trop tôt pour nous tous. Et notamment pour vous, il me semble. Car vous êtes resté seul au Mondego. C'était une situation un peu étrange pour une jeune fille. Peut-être faut-il regretter que je ne vous ai pas connu davantage. Je ne vous ai guère vu à la cour, sinon pas du tout. N'ayant pas d'intrigue à y mener, je ne m'y serais pas senti à l'aise. Il me semble que je me serais demandé sans cesse, mais que fais-je donc ici? Et on dit qu'à la cour, celui qui est embarrassé a toujours tort. La cour est un lieu de ténèbres. Vous y auriez été une petite lumière. Et puis, il m'aurait fallu dissimuler un peu avec votre majesté. Et je ne l'aurais pas pu. Le mensonge est pour mes grands une seconde nature. De même qu'ils préfèrent obtenir par la menace ce qu'ils pourraient obtenir par la douceur, obtenir par la fraude ce qu'ils pourraient obtenir par la droiture, ils préfèrent obtenir par l'hypocrisie ce qui leur serait acquis tout aussi aisément par la franchise. C'est le génie ordinaire des cours. Et vous-même, allez, vous y auriez vite pris goût. D'ailleurs, il importe moins de ne pas mentir aux autres que de ne pas se mentir à soi-même. Oh, si je mentais, je m'embrouillerais bien vite dans mes mensonges. C'est peut-être là tout ce qui m'arrête. J'ai voulu vous faire sourire. Lorsqu'on doute si un inconnu est dangereux ou non, il n'y a qu'à le regarder sourire. Son sourire est une indication, quand il n'est pas une certitude. Le vôtre achève de vous révéler. Eh bien, Doña Inés, je plaisantais. Soyez toujours vrai avec moi. Vous n'aurez pas à vous en pentir. Et soyez vrai d'abord en me parlant de mon fils. Le jour où je l'ai connu est comme le jour où je suis née. Ce jour-là, on a enlevé mon cœur et on a mis à sa place un visage humain. C'était pendant les fêtes du trône, dans les jardins de Montemor, je m'étais retirée un peu à l'écart pour respirer l'odeur de la terre mouillée. Le prince me rejoignit. On n'entendait plus aucun bruit de la fête, plus rien que les petits cris des oiseaux qui changeaient de branche. Il me dit que sitôt qu'il avait entendu ma voix, il s'était mis à m'aimer. Cela me rendit triste. Je le revis plusieurs fois dans la campagne du Mondego. Il était toujours plein de réserves. Et moi, j'étais toujours triste. Enfin, je lui dis, laissez-moi seulement mettre ma bouche sur votre visage et je serai guérie éternellement. Il me le laissa faire et il mit sa bouche sur le mien. Ensuite, son visage ne me suffit plus et je désirais de voir sa poitrine et ses bras. Il y a longtemps de tout cela? Il y aura 2 ans le 13 août. Depuis 2 ans, nous avons vécu dans le même songe. Où qu'il soit, je me tourne vers lui comme le serpent tourne toujours la tête dans la direction de son enchanteur. D'autres femmes rêvent de ce qu'elles n'ont pas. Moi, je rêve de ce que j'ai. Et pas une fois, je n'ai voulu quelque chose qui ne fût à son profit. Et pas un jour, je n'ai manqué de lui dire en moi-même que Dieu bénisse le bonheur que vous m'avez donné. Ces sentiments vont faciliter ma tâche. Je suis chez moi partout où il y a de la gravité. Et ce serait péché de vouloir diminuer l'image que vous vous faites du prince. Encore que, selon moi, elle soit un peu embellie. Selon moi, le prince est... Comment dire? Le prince est une eau peu profonde. Péché aussi de vous dire trop comment je me représente ce que les hommes et les femmes appellent amour, qui est d'aller dans des maisons noires, au fond d'alcôves plus tristes qu'eux-mêmes, pour s'y mêler en silence comme les ombres. Non,